ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc le cheikh Ibrahim Abdullah avait mentionné sur les événements qui se déroulent actuellement, sur les fitnes, les troubles, les meurtres gratuits, les attentats suicides. Hein? Et le problème dans cela, c'est que c'est la communauté musulmane qui est touchée, qui est visée, qui est visée. C'est pour ça, Inch'Allah, dans la khutbah du vendredi, nous allons détailler avec clarté, Inch'Allah, yani, tous ces troubles-là, et réfuter tous ces troubles-là, afin de montrer la position claire de l'islam. Hein? Claire. Il n'y a pas de doute sur cela. On n'a pas le moindre, on n'a pas le poids d'un atome, d'un doute concernant la vérité. D'accord? On doit être clair dans notre position. On se base sur des preuves, on se tient sur des preuves. D'accord? Et donc, comme vous savez, dans ces temps-là de fitna, il faudrait être ferme dans la religion. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il teste ses serviteurs pendant les temps de fitna. D'accord? Parce que ces troubles arrivent, certaines sœurs enlèvent le hijab, d'autres font je sais pas quoi, d'autres font je sais pas quoi. Ils ont peur que... Ils vont dire non, parce que sinon, ils vont voir que je suis musulman, et sinon, ils vont voir que je suis... Non, vis ta religion. Subhanallah. Tu es sur le haq, tu n'as rien à te reprocher. Subhanallah. Tu es sur le haq, tu n'as rien à te reprocher. L'imam Sofiane al-Thawri, rahimahullah, s'il avait dit, un grand savant parmi les savants des salafs, des pieux frères et des sœurs, il a dit, si vous voyez des gens se réunir en s'écartant du groupe, se réunir en cachette, et faire des plans en cachette, sachez qu'ils ouvrent les portes à l'égarement, ou qu'ils mettent en place un égarement. Donc, subhanallah, l'islam n'est ni venu ni avec la traîtrise, ni avec la lâcheté, ni avec les meurtres, les crimes, les atrocités, les boucheries, les... A'oudou billah. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit ce concernant qu'il est un messager, il est une miséricorde, hein, un cadeau pour l'humanité, une miséricorde, subhanallah, pour l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même mentionnait cela. Comme nous allons le voir, Inch'Allah, durant la khutbah, vous savez tous qu'il y avait un juif qui travaillait chez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'était pas un musulman. Comment se comportait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec lui? Il est tombé malade, celui-ci. Il est tombé malade, ce juif. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parti le visiter chez lui. Il est parti le visiter chez lui, et il l'a trouvé qu'il était très malade. Il y avait son père, le père de cet enfant-là, qui était à ses côtés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré et il l'a invité à l'islam. Il a dit « Qul la ilaha illallah, qul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. » Témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Donc cet enfant s'est mis à regarder son père. Et son père lui a dit « Ati'a Abul Qasim, obéis à Abul Qasim. » C'est la cognée du prophète Mohammed Sassi. Et donc, il s'est mis à réciter les deux attestations de foi. « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. » Et le prophète Sassi est sorti content en disant « Alhamdulillah, qu'Allah a sauvé de l'enfer une personne, hein, en étant moi la cause. » Subhanallah. Donc le but c'est quoi? C'est de transmettre le message de l'islam. souhaiter qu'Allah Azzawajal, espérer qu'Allah les guide. D'accord? Ce n'est pas de rentrer comme ça, tuer, frapper, hein, voler, commettre des injustices et des oppressions. Parce que moi, ce qui me dérange dans tout cela, barakallahu fikoum, c'est que ces gens-là, hein, ils s'affilient à l'islam. Ou ils prétendent, hein, qu'ils font du bien. Prétendent qu'ils font du bien. Mais celui qui croit qu'il fait du bien et qu'il est égaré, quelle est sa voie celui-là? C'est quoi celui-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui pêche? C'est pas quelqu'un qui pêche. Il y a une différence entre quelqu'un qui pêche et celui qui fait une bid'a, une innovation. C'est pour ça que parmi les savants, des plus prédécesseurs, ils disaient, je sais plus, c'est le Qadi Ibn Iyad, ou bien Sofiane al-Thawri, qui disait, Al-Bid'a ahab ila iblis min al-ma'siya. Subhanallah. Al-Bid'a ahab ila iblis min al-ma'siya. L'innovation est plus aimée pour le diable que le péché. L'innovation est plus aimée pour le diable, il préfère les innovations, celui qui invente dans la religion quelque chose alors qu'il n'a aucune preuve, il préfère celui-là que celui qui pêche. Il a dit pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui fait un péché, il est conscient qu'il a fait quelque chose qui est interdit, ou qu'il a péché. Et on lui souhaite, Inch'Allah, qu'il va se repentir. Et lui-même, il va se remettre en question, Inch'Allah, il va se repentir. Alors que celui qui fait une innovation, hein, vous croyez que lui, il fait une innovation, mais il veut se rapprocher d'Allah, Azzawajal, avec ce qu'il a inventé. C'est pour ça qu'il ne comprend pas. Lorsque celui qui est en train de faire l'innovation, tu lui dis, crains Allah et suive la voie droite, il ne comprend pas pourquoi tu lui dis ça. Parce que pour lui, il est dans le bien. Et pour lui, ce qu'il fait, il se rapproche d'Allah par cela. C'est pour ça que, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الله حجب التوبة على صاحب البدعة. Allah a voilé la repentance à l'innovateur. Vous voyez le danger? Celui qui fait des bid'a, qui invente et qui croit que c'est bien, Allah lui a voilé la repentance. Ça veut dire que lui, il ne voit pas pourquoi il devrait se repentir. Parce que selon lui, ce qu'il fait, c'est bien. C'est pour ça que le diable, il préfère ça. Alors que celui qui pêche, il sait que, ah, c'était pas bien ce qu'il a fait. Et il commence à se remettre en question, et il commence à regretter. Et tu vois? Et ça va le mener à la repentance. Alors que l'innovateur, il fait des crimes, des boucheries, de l'innovation. Il ment sur Allah, Azzawajal, et il ment sur son prophète, alayhi salatu salam, et il égare les gens de la droiture, et il croit qu'il fait du bien. C'est pour cela que, yani, c'est un peu perdre son temps de rentrer dans un débat avec des gens qui ne sont pas sincères et qui ne veulent pas la vérité. Vous perdez votre temps. Parce que lui, il est convaincu qu'il est dans la vérité. Mais le problème, il est où? Où est-ce qu'ils sont au pied du mur et où est-ce qu'ils bloquent? Lorsqu'on leur dit, apportez vos preuves. Apportez vos preuves. Apportez vos preuves. Et en plus, moi je rajoute, apportez vos preuves selon la compréhension des compagnons. Parce que moi, je peux rapporter un verset. Les gens, ils ont innové, par exemple. On va faire un cours sur ça, Inch'Allah. Ceux qui fêtent le Mawlid al-Nabawi. D'accord? La célébration de la naissance du prophète. Firabi al-Awl. Qu'est-ce qu'ils voient par cela? Hein? Ceux qui fêtent cela. Ils voient qu'il n'y a pas de problème. Hein? Wa bi ni'mati rabbika fahaddith. Subhanallah. Vous voyez ce qu'ils utilisent? Et les bienfaits qu'Allah Azzawajal te donne? Hein? Eh bien, parle-en autour de toi. Littéralement, si je veux traduire littéralement, hein, la traduction au sens du verset. Donc eux, ils veulent utiliser ce verset-là en disant, regardez, j'ai un preuve du Coran. Vous voulez dire Coran sonne, Coran sonne, regardez, j'ai un preuve du Coran. Là, il a pris un verset, vous voyez. Maintenant, on retourne à la compréhension des Sahaba, l'explication que le prophète Sarasen donne à ses compagnons. Comme Ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit, hein, c'est quoi ni'ma? Wabi ni'mati rabbika fahaddith, c'est da'wa ilallah. Subhanallah. Hein? Parce que le bienfait que de l'islam qu'Allah Azzawajal t'a donné, hein, à toi de t'en bénéficier, de l'appliquer et d'inviter les gens. Vous voyez comment ils peuvent utiliser un verset et puis l'utiliser à leur profit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend des gens qui ne sont pas des musulmans. Ils disent, ouais, mais il y a plusieurs interprétations du Coran, et puis. Subhanallah. Donc ça veut dire quoi, plusieurs interprétations? Ça veut dire que n'importe qui peut croire ce qu'il veut. Et il y a toutes les voies qu'on veut. Et on va arriver à dire, eh bien, tous les chemins mènent à Rome. Allez, c'est pas grave. Et donc ça veut dire qu'on balaye les hadiths authentiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on balaye, a'oudou billah. Et ça veut dire qu'on balaye aussi les versets d'Allah. Inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Ceci est ma voie. Suivez-la et ne suivez pas les autres voies car elles vous égareront du droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset, hein, lorsqu'il a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, selon Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons vu plusieurs fois ce hadith-là. Khatta ala al-ard khatta al-mustaqim, il a tracé une longue ligne droite sur le sol. Il a dit, hadha sabilullah, ceci est la voie d'Allah. Wa khatta ala janib hadha al-khatta al-mustaqim khututan qasira. Et il a tracé des petites voies sur le côté. Et il a dit, hadhihi subul, ça ce sont les petites voies. Ala rasi kulli minha shaytanun yad'u ilayhi. Sur chaque petite voie, il y a un diable qui appelle les gens à les suivre. Et ensuite, il a récité: قل إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. Dis, ceci est ma voie, suivez-la et ne suivez pas les petites voies, elles vous égareront du droit chemin. Donc, barakallahu fikum. Lorsque, par exemple, on insiste à chaque fois, hein, à s'accrocher à la sunna, à s'accrocher au Coran et à la sunna, d'accord? C'est pas pour le but juste de vouloir dire on s'accroche, pour le plaisir de vouloir dire, barakallahu fikum. C'est un suivi sincère du prophète Sarcelle. Ça veut dire que nous, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit suivre la religion qu'Allah Azzawajal a légiférée. Il ne nous est pas donné à nous de vouloir inventer ce qu'on veut, de rajouter et d'enlever. Si on ne sait pas, on retourne aux savants et on demande, aux savants de la Sunna, qui sont reconnus pour leur science. C'est pas le premier venu qui va tac, ah, celui, je demande, lui c'est un savant, c'est pas grave. Non, des savants qui sont reconnus. Si on ne sait pas, on demande. Alhamdoulilah, ils sont accessibles, barakallahu fikum, subhanallah. Mais aujourd'hui, les gens, ceux qui suivent le Usul Khawarij, le Dawa'ij et tout ça, là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'en fait, ils dénigrent les savants pour que les gens s'écartent des savants. Ils disent c'est des hypocrites, c'est des je sais pas quoi, c'est des ulama sultans, c'est des qui vivent dans les palais, qui vivent dans les je sais pas quoi, pour dénigrer les savants. Subhanallah. Je parlais avec l'imam Ibrahim, Hafidhullah. Et il me décrivait sur Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, parce qu'il avait étudié chez Cheikh Ibn Uthaymin. Et subhanallah, il décrivait. C'est pour ça que moi ça me fait mal dès que j'entends les gens, ils parlent mal sur les savants. Hein? Yani, subhanallah, malgré que les gens, ils veulent donner pour aider la da'wah. Ils voulaient donner de l'argent, ils n'acceptaient pas. Le roi là-bas en Arabie Saoudite, il voulait leur donner de l'argent, beaucoup d'argent, tout ce qu'ils avaient besoin, des voitures et tout ça. Ils refusaient. Subhanallah. Ils se contentaient juste de tous ces étudiants qu'ils ont leur bourse. Pas plus, pas moins. Subhanallah. Il lui arrivait, il disait même, le Cheikh Ibrahim, il disait qu'il arrivait même à aller pieds nus jusqu'à la mosquée pour appliquer la sunna. Là-bas. Et il vivait. Cheikh Ibn Uthaymeen, subhanallah, il vivait avec le minimum. Le minimum. Les savants, subhanallah, leur barbe, elles ont blanchi dans la science. Et il y en a un, il se convertit, le lendemain, tac, et il se met à attaquer tout le monde. Un tel est comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça, c'est bon, j'y vois clair maintenant, c'est bon, je sais pas quoi. Subhanallah. Théorie du complot, théorie du pas du complot, je sais pas quoi. Subhanallah. Pour ça, barakallahu fikum. Wallah al-azim, c'est une ni'ma qu'Allah Azza wa Jalla donne à ses serviteurs d'apprendre et de comprendre sa religion. C'est pas donné à tout le monde. Lorsqu'on dit c'est pas donné à tout le monde, c'est comme l'islam, c'est pas donné à tout le monde. Si Allah Azza wa Jalla le donne à un individu, subhanallah, c'est une ni'ma. Man yuridullahu bihi khayrin yufaqihu fid din. Celui dont Allah veut le bien, il lui donne la clairvoyance dans la religion, lui enseigne la religion. Ça fait. Il y a, comme l'imam Al-Qayyim rahimahullah avait dit, il y a quatre différentes catégories de personnes. Il y a ceux qui connaissent dans le détail la voie droite et qui connaissent dans le détail les voies de l'égarement. Donc ceux-là, ils connaissent tout dans le détail. Ça fait, ils savent où est la voie droite avec détail, avec preuve, et ils savent quelles sont les voies de l'égarement, et ils s'en écartent, et ils mettent en garde. Et la voie droite, ils invitent les gens. Il y a des gens qui connaissent la voie droite avec détail, mais ne connaissent pas les voies de l'égarement. Et donc ceux-là, il suffit qu'il y a quelqu'un qui a un équivoque ou un doute, il lui dit « Oui, mais que dis-tu de cela ?» Tac, et il est susceptible d'être égaré. Parce qu'il ne connaît pas aussi les voies de l'égarement avec détail. Et il y en a d'autres qui connaissent, qui passent leur temps à connaître les voies de l'égarement. Ils les connaissent tout dans les détails, mais la voie droite, ils ne la connaissent pas. Subhanallah. Donc un jour, il est comme ça, un jour, il est comme ça, un jour, il est comme ça. Il dit, ah oui, ceux-là, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais lui-même, il ne sait pas où est la voie droite. Et il y a ceux qui ne connaissent ni celui-là, ni celui-là. Et on a dit, ceux-là sont al-huthala. Sont ceux qui ne veulent pas apprendre, ceux qui ne veulent pas enseigner, ni, s'éduquer, ni laisser les gens enseigner, rien du tout. Ils veulent juste que tout le monde reste. Comme ça, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prier, je vais partir. Il ne sait ni c'est quoi les conditions de la prière, ni c'est quoi les piliers de la prière. Il ne sait pas quels sont... Yani, subhanallah. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Comment voulez-vous que la personne elle atteigne la crainte dans sa prière? On ne peut pas. Avec ignorance, on ne peut pas craindre Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a bien joint dans ce hadith-là, où il disait à ses compagnons, je suis celui qui, parmi vous qui connaît Allah Azza wa Jal le mieux, et je suis celui parmi vous qui craint Allah Azza wa Jal le plus. Il a joint la crainte d'Allah avec le ilm, le savoir. Donc Allah al-Musta'an, l'islam, barakallahu fikum. Mais alhamdulillah, notre position elle est bien claire. Bien claire. Bien claire. Et c'est pour ça que ces gens-là, alhamdoulilah, yani, on n'a pas affaire avec eux ici. Parce que notre position elle a été claire depuis le début. Alhamdoulilah. Que l'islam est clair. Tout se base sur des preuves. Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les sahabas disent, l'islam n'est ni venu avec des boucheries. Il montrait l'autre, là, c'était un trafiquant de drogue. Celui qui disent que c'était la tête de ce qui se passe là, des opérations. C'était un trafiquant de drogue, un dealer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il montrait, il était dans une camionnette Isuzu là. Et il accrochait des corps qu'ils avaient égorgés là, avec un fil. Et il restait à rouler avec, et le corps il traînait. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ça. Hein? Vous voyez, regardez où est-ce qu'on en est arrivé. Lui, il est convaincu que ce qu'il fait, c'est bien. Convaincu. Et il le fait, il le montre. Parce qu'il pense que lui, il est bien. Et qu'il a beaucoup plus d'honneur que nous. Ou n'importe quel autre musulman sur la planète. Subhanallah. Voilà le danger de l'innovation. Vous voyez? Donc mettre en garde contre l'innovation, c'est pas juste, oh non, je sais pas. Non, subhanallah. C'est qu'on sache le danger de cela. Qu'on sache le danger de cela. Donc, et rappelez-vous toujours, subhanallah, rappelez-vous toujours que tous ceux qui supportent ces gens-là, ou tous ceux qui critiquent les savants, il ne faut pas s'étonner qu'ils sont égarés. Il ne faut pas s'étonner. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la chair des savants est empoisonnée. Celui qui critique, luhum al-ulama, masmouma. Celui qui critique les savants, qui les dénigre, regardez, il subit l'égarement. Il subit l'égarement, subhanallah. Donc il ne faut pas s'étonner de cela. Donc Allah al-Musta'an. Moi je dis qu'Allah les guide. Et s'il ne les guide pas, qu'Allah leur brise leur dos. Amin. Al-Muhim, nous avons vu, inshallah, la semaine passée, sur le chapitre des eaux et des impuretés. Sur le chapitre des eaux et des impuretés. Donc on avait dit que toute eau, ça peut choquer à des gens lorsque je dis qu'Allah les guide ou qu'Allah leur brise leur dos. Ça peut choquer. D'accord? Mais si Allah Azza wa Jal ne les guide pas, je souhaite de tout mon cœur qu'Allah Azza wa Jal leur brise leur dos. Car ce sont les ennemis de l'islam. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Le jihad, c'est quoi? C'est légiférer. C'est le fait, comme le prophète sallam a dit, que la parole d'Allah soit la plus haute. Faire en sorte que la parole d'Allah soit la plus haute. Barakallahu fikum, avec tous leurs crimes et leurs boucheries qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils élèvent la parole d'Allah? Ils ne sont pas juste en train de la rabaisser, ils essaient d'enterrer, la mettre au plus bas, pour que les gens ferment les mosquées, et que les musulmans se fassent attaquer, ou qu'il y ait des répressions, et qu'on te fasse des difficultés. Tu vas chercher un poste pour aller travailler, on va te faire des difficultés. On te critiquera. Est-ce qu'il est fiché S, est-ce qu'il n'est pas, je ne sais pas quoi. Subhanallah. Donc c'est pour cela. Et les ulama ont été clairs. Et ça, je vais aussi le mentionner, ça, inshallah, dans la khutbah bi'idhnillah. Les ulama ont été clairs. Si vous savez que une personne suit la voie des Khawarij et qu'il est en contact avec des gens comme ça et qu'il s'apprêterait à faire, il est de votre devoir, même dans les autorités non musulmanes, et bien de leur dire, il est de votre devoir de dire aux autorités qu'ils ont dit même non musulmanes. La question a été posée aux savants. C'est pour ça que je le dis clairement, Yanni, sans doute. De le dire, car ils feront beaucoup plus de dommages à la communauté, hein, beaucoup plus de dommages à la communauté, et beaucoup plus de dommages à la da'wah. D'accord? Et subhanallah, il suffit qu'on les voit, subhanallah, ils ont quoi, 20, 22 ans, subhanallah. Casier judiciaire d'une tonne, subhanallah. Dans les trafics, dans les je sais pas quoi. Les gens, ils sont habitués dans les trafics, dans les meurtres, dans les trucs comme ça. Et après, tu leur dis, viens apprendre ta religion. J'ai pas envie de rester 14 heures, moi, à apprendre du fiqh devant un shir. Subhanallah. Lui, il croit que, hein, si tu veux passer un examen, si tu veux avoir ton bac ou tu veux avoir ton diplôme ou ta licence, ton master ou peu importe, tu crois que tu vas appuyer sur un bouton et il y aura une seringue qui va te truquer, tu vas connaître toute ta leçon et puis c'est bon, tu vas y aller le jour de l'examen. Subhanallah, tu dois tout apprendre. Tu dois te forcer pour regarder, subhanallah, ça c'est des choses de la dunya. Tu vas te forcer à patienter, à apprendre ton cours. Tu vas te forcer à patienter, à comprendre ton cours. Pour que tu réussisses ton examen. Tu es sûr que tu comprends toutes les règles et tout ça pour t'assurer que tu vas réussir. Ça c'est des choses de la dunya. Alors que dans les choses de le din, parce que cet examen-là, ce diplôme-là, il va pas aller avec toi dans la tombe, hein. Subhanallah. Il va rester ici. Il ne te servira à rien. Ce qui te servira, c'est ta croyance, Eri. Subhanallah. Tes bonnes actions. Une science bénéfique. Allah al-musta'an, la hawla la quwwata illa billah. Et le pire aujourd'hui, ce sont les femmes qui se font influencer. Hein? Mais elles se sont des miskines, hein, parce que elles sont jeunes. Ou soit elles sont converties et elles commencent à donc chier Google, à googler, essayer de voir, tac, tac, tac, tac. Et puis voilà, ah bah oui, mais tes parents, c'est pas des musulmans et tout ça, il faut que tu quittes ton foyer. Quitte ton foyer, viens en Syrie, tu vas voir, ça va être bien, tout ça, on va te... Subhanallah. Et on a vu, il y avait une vidéo d'ailleurs qui avait truqué sur BFM, là, qu'ils avaient dit, là, ils avaient montré. Miskina, elle voulait le bien. Hein? Elle croyait faire la hijra en Syrie. Vous voyez, lorsque les gens ne retournent pas aux savants. Les savants, ils ont été clairs. Vous savez quoi? Les savants, ils ont parlé sur tout cela. Depuis quand ils ont parlé, les savants? Quand est-ce que ça a commencé les révolutions? Avec la Tunisie. À peine que ça a commencé les mouvements. Les savants, ils ont commencé déjà à parler parce que les questions leur avaient parvenu. Subhanallah. C'était quand ça? C'était en 2011. 2011. Il y a encore des cours de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abed. Hein? Subhanallah. C'était des années avant qu'il y ait toute la nébuleuse là et tout ça là, qu'on voit aujourd'hui, Al-Qaïda, je ne sais pas quoi là. Hein? Avant qu'il y ait cela, ils avaient déjà mis en garde contre eux les attentats et tout ça, parce que ça a commencé en Égypte, ça. Fin des années 60, ça, ils ont commencé à faire exploser et à faire le takfir sur les gens. Et donc, les savants, ils ont déjà mis en garde. Bi ayy aql wa din. Par quelle raison et quelle religion, hein, les gens commettent les attentats suicides? Quelle religion et quelle raison peut accepter cela? C'est pas possible. N'importe quoi. Ni religion, ni raison, Ni humanité, ni rien peut accepter cela. C'est pas possible. C'est pas possible. Subhanallah. Subhanallah. Il vient dans le truc, dans le café ou dans le je sais pas quoi. Hein? Le pire, c'est que je trouve, subhanallah, vous en savez de la khutbah. Innamal a'mal bil khawatim. Les actes ne valent que par leur finalité. Alors celui-ci, il se tue déjà, que ça fait partie des grands péchés, se suicider. Il se fait exploser, et en plus dans un bar. A'oudou billah. Hein? Et en plus, en tuant des gens. Il y en avait un autre, avec sa kalachnikov, la femme qui criait qu'elle était enceinte et ça, et puis il tue. A'oudou la quwite le billah. Non, c'est pour ça, Yanni, il ne faut pas se taire sur cela. Il faut avoir une position qui est claire. Claire, sans peur, sans rien du tout. Non, il faut être clair sur cela. Et nous, on se rapproche d'Allah Azza wa Jal en mettant en garde contre ces innovateurs et contre ces corrupteurs et contre tous ces criminels. Parce que l'islam n'est venu ni avec des crimes, ni avec de la boucherie, ni avec tout cela. Subhanallah, c'est une sagesse, une miséricorde pour l'humanité. Subhanallah. Le bon comportement avec le voisin, le tout, subhanallah. Tout. Il suffit de voir. Mais regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on voit dans sa biographie. Et ces égarés qui veulent. Ça, c'est aussi une réfutation. Avec ces égarés, ils veulent utiliser la loi du talion en disant œil pour œil, dent pour dent. Ah, il tue nos frères là-bas. Eh bien, non, on va faire ça. Ah, il tue, non. Subhanallah. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux qui prétendent dans leurs vidéos, non, on suit le Coran et la Sunna. Arrêtez de mentir, menteur. Ils suivent la sunna du diable, oui. La tradition du diable, ils suivent. Moi, je vous le dis, la sunna qu'ils suivent, c'est la sunna du diable. Ça, il n'y a aucun doute sur cela. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La'an Allahu man awa muhditha. » Allah a maudit celui, ou aussi comme les ulama ont expliqué, ça veut aussi dire que la malédiction d'Allah soit sur celui qui supporte un innovateur. Donc, « La hawla la quwwata illa billah. » Al-Muhamm, on a pris beaucoup de temps. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك